J'ai cassé tous les miroirs, partout dans les rues de ma ville dortoir. Pas moyen de croiser sa trajectoire. Le matou est malin comme un renard. J'ai rien contre les croyances de grand-mère. Ces marabouts de ficelle me font marrer. Les mains dans le dos, les doigts croisés, on espère toujours que ça va. Tout envers, c'est la salière.